Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Et les meilleurs dimanches soirs, on les passe sur Skyrock avec Skyrock Classics, 18h-20h, les sons qui ont fait l'histoire et le succès de votre radio préférée. Skyrock, bien sûr, avec le hashtag Skyrock Classics que vous pouvez utiliser pour réagir sur les réseaux sociaux si l'émission vous plaît. Ce soir, vous pouvez commenter les sons en direct. C'est reparti maintenant d'ailleurs pour une nouvelle heure avec Notorious B.I.G. Voici More Money, More Problem. Snoop Dogg, Pharrell juste après Beautiful. Et attention, le gros son de la FF, ça vient de Marseille. La furie et la foi Funky Family à suivre. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop. Who jewels got blocks, who mostly Gucci down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million sales for the level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me, 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cuda, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, nigga, spin no dough on the booty. When you yell, there go Mace, there go your cutie. Call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you take a now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this a B.O.J. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down's fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that, catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya, me and Mike to me. Bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500. It's my phone number, your man, I got the know. I got the dough, got the flow down, Pizzak, black and plus, like Zizak, dangerous on Trizak, leave your ass Pizzak. Classics tous les dimanches 18h-20h sur Skyrock. Oh, Snoop Snoop. Come on, baby boo, you got to get into it. Going forward to play with the cool wit. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. It. Little cupid, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom to push up the cool. If the girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these kids when they ask who do this. But everybody know who girl that you is. Beautiful. See my baby boo shit, I get foolish. Smack a nigga that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow draw and keep the flow moving. In a 6'4", me and baby boo cruising. Body ragging, interior blueing. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing. And we gon' be together until your mom's moving. What I'm groomed in. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that don't stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you. And you don't ask why I roll with a crew. And twist up my fingers and wear dark blue. And on the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful. Classics, classics, classics, 18h-20h. Marie à la rue, dans la rue à Marseille. Hein, le micro marche, pas besoin de plume pour le prendre. Mets la main sur un joint, ça part en boum, sonne, pousse bombe dessus. Même déçu, bon, s'en faut que tu sues. Les box, on vient du sud, pas sûr, alors suis. Je dois dire public merci, comment faire si on me siffle. Je m'imagine sur Percy et je persiste. Le rat manie le mic l'ami. Comme Mani manie le flingue dans les rues de Miami. La nuit gâtée, RAT va te gâter mais pas feinter. Si tu viens à péter, beauté ça va se gâter. Mais pas de bœuf, de guinter, de menter. Norch, le hip-hop marche et nous on se torche. Je ne suis pas un prince de galère comme Bruce. Cracheur de rimes dans une vie de calbouze et de kébouze. Des fois, j'esbrouffe encore à l'aluminium. J'bouffe, j'bois, j'flamme, journée mignonne. De toute façon, reste nature dans ce dur métier. FF représente tout et puis de pitié présent pour piller. FF sur bras, sec à froid. Viens live, voir et croire à la furie et à la foi. FF sur beat, c'est de la fusillade comme dans les trous, jouer le beat. FF s'infiltre en France sans chercher le hit. Les chacals fâchés fument le shit des bons. Avec des rimes, prennent du liquide, ciao. On défend le hip-hop de rue avec furie. On descend les fouets, les intrus, c'est une tuerie. Bouge mec, cherche pas ce qui cloche. On représente nos proches avant de penser à nos poches gaziers. On défend le hip-hop de rue avec furie. On descend les fouets, les intrus, c'est une tuerie. Bouge fille, cherche pas ce qui cloche. Vas-y, remue tes fesses, fais honneur à la FF. J'ai tant de motifs ma génération. Attention, furie et foi en mission. FF de Mars à travers la France. On représente nos proches avant nos poches. Et ce à tout prix. Faut que mon rap de rue crée la surprise dans ce putain de pays. Quel est le crime si ce n'est dire ce qu'on vit. J'évince le fou. Avancez fou le feu. mètre, nique tout au mic, ça coûte kung fu. Tu sais, je viens pas pour défiler ni même pour me filer. Mais si des mecs veulent nous défier, on va pas se défiler. 9, 7, mec, aide à faible de part. Coup de cocktail explosif, lyrics corrosif. La famille en furie, c'est pas pour le hip hop, celui de la rue. Je fume, je prends des cuites, mais pour les hits, je donne pas mon cul. Faut que le rap sauvage perce, j'y persévère sans cesse. Pour que les trucs stressent, se taisent et disparaissent net. Même combat, de Paris à Marseille, rien à voir avec les ampoules bidons. New York, LA, si t'es down avec ça, vas-y, lève ton bras. Bébé, lève ton bas, je me le mets sur la tête, on fait la nouba. Au fait, moi, c'est ça, j'rappe pour la funky. Rien à voir avec ces putains de simples funky. J'ai été percé à coups de coulaine, the gang, j'prétends pas être dans le rap depuis ma naissance, c'est dingue. Mais on défend le hip hop de rue avec furie. On descend les faux et les intrus, c'est une tuerie. Bouge, mec, cherche pas ce qui cloche. On représente nos proches avant de penser à nos poches, casiers. On défend le hip hop de rue avec furie. On descend les faux et les intrus, c'est une tuerie. Bouge, vite, cherche pas ce qui cloche. Vas-y, remue tes fesses, fais honneur à la FF. Okay. On défend les jeunes fiers et décidés. Pas la peine d'être aidé, la FF se faufile, fonce pour accéder à la salle des coffres. Fraction, chaud comme le sang, offre une belle récompense pour les services de mon clan. Celui des ratakans, à qui je dédie mes mots. Don Juan, mon mic et mon manche sont ready, la démo démarre. On crie vengeance, mais t'as bien trop de monde à l'écart. Regarde, c'est pour Jean Cabriolet. Ma parole, ils ont tous ces bâtards. Qu'est-ce qui nous reste, même l'espoir se bat. Il me faudrait juste un peu de chance. Merde, j'en ai marre de cette routine. La misère et la déprime poussent au crime. Les minots rêvent de la carrière de Jacques Mesrine. La FF de Mars défend le hip-hop de rue avec furie. Nique les intrus. Skyrock Classics, les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. My friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Fit his shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beats in my heart, it's when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do it, no one else can. When the flow is loco, Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. Crazy, baby. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. You're crazy, got me looking so crazy right now. C'est Skyrock, premier sur les classiques tous les dimanches soirs entre 18h et 20h avec Beyoncé et Jay-Z. On écoutait Crazy in Love à l'instant. Vous êtes nombreux et nombreux à tweeter là pour réagir à l'émission. Conakry 10 est connecté, Sarah Cédric aussi, Sam Follow, François Pio. Il y a aussi le compte de Skyrock qui a tweeté. Incroyable. C'est reparti le son de Skyrock avec Warren G et Night Dog. C'est Regulate. This is La Peste aussi, je pète les plombs. Et Daddy Yankee, Gasolina. Et Théo, t'as la gasolina. Il va chanter comme ça, mais il le fait mieux. Aujourd'hui, ils sont l'ADN de Skyrock. 18h-20h, dimanche soir, Skyrock Classics avec Maxime. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon. Warmer G was on the streets, trying to consume some skirts for the E, so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC, on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with 213. So I hooked a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm stuck. These girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking more than 12. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight pound for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly, let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb. Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G. Just like I thought, they were in the same spot, in need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them names was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel. To a whole new era, G-Funk, step to this, I dare ya. Funk, on a whole new level. The rhythm is the bass, whoa, and the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G-Funk, where rhythm is life, and life is rhythm. If you know like I know, you don't wanna step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. You smoke like I smoke, then you high like every day. And if your ass is a buster, 213 will regulate. It's Skyrock Classics. Classics. K-L-A-2-S-I-K-S. Putain, je transpire. Pire, je suis en translé. Transport bloc, ça klaxonne. Ça fait deux heures que je n'avance qu'à petit feu. Peu à peu, je pète les plombs. Le pauvre de derrière m'insulte et me traite de con. Sans les trous, sors de ma caisse. Prends mon sac dans le coffre, MK. Laisse ma caisse sur le périph. Rien à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim. Il me faut un McDo. J'en trouve un rentre. Y'a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment. Bonjour à Mac Morning, s'il vous plaît. Quand elle me répond, trop tard. Désolé monsieur, il est midi. Et après-midi, eh bien le Mac Morning c'est fini. Je lui dis, quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je veux un morning salé. Vous savez celui avec le MD. Il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Je lui dis, appelez-moi le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je lui dis, deux secondes, sors de mon sac un calibre et la braque. Les gens derrière, qui étaient si impatients, maintenant s'écarte. Elle me dit, ok, prenez la caisse. Moi je veux pas mourir, plein de billets, plein de pièces. Je lui dis, un Mac Morning où je tire. 3 minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire. Je voulais juste un Mac Morning. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, même je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon genre. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon genre. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète des plombs, même je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon genre. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon genre. Alors, tu recherchais? Que les coffres me traquent, black une meuf me drague. La go blague, me dit des trucs vagues. MD. Tu sais que t'es un beau blague, non je t'assure sans deck. Dès que je t'ai vu, j'ai oublié mon mec. Je de qui tu te moques, toi tu veux ma quéquette. Tu veux que je te fuck, que je dépense plein de petites pépettes. Qu'une fois les couilles vides, je porte le même jean. Tu mets topper, tes copines avec ma maille vous direz chin chin. Salope, va voir ailleurs parce que moi je t'ai grillé. Mon ex m'a fait pareil. Et alors, alors tu peux tailler. Au moment où je dis ça, le métro s'arrête et je m'apprête à partir. Quand elle a répondu un truc qu'elle aurait pas dû dire. MD. Pour qui tu te prends, mais c'est normal. Qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de con, t'as du tout lui acheter. Et là, je suis un beau black. Hein. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Je veux ta veste. Tes baskets, ton sac, ta carte de retrait, ton chéquier et ton sandwich. C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier. Je lui dis, laissez-moi, j'ai passé une sale journée. Ils me disent, s'excite et s'énerve tout seul. Me sort un mousse, fait le ouf et d'après lui, me pressionne. Je que t'as dans ma tête. C'est fou dans sa tête. Je lui réponds, putain, espèce de sale timbanque. Arrête mon bluff, mec, tu crois que tu braques une banque. Range ton canif, je sais pas, va faire une manif. Va t'acheter un soutif, espèce de petit travelot chétif. Mais attends toi, tu viens de quel quartier? Faut payer pour sortir entier. Je lui dis, écoute mec, rien à foutre, nos quartiers soient en guerre. Attends, je vais te payer après tyranniquer ta mère. Sors mon sac de hockey, un harpon, il me dit. Ah bon? Moi je suis le genre de mec qui pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Le gaz baisse, je lui dis mais vas-y casse-toi. Arrivé à 100 mètres, ces petits PD me font des doigts. Skyrock Classics. Ella le gusta la gasolina. primo de los tambores. Esto va para la cata de dos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen, que lo que viene es pa' que le den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro. Todos los weekendes ella sale a vacilar duro. Mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Dimanche 18h-20h, on termine bien le week-end avec Skyrock Classics, l'émission de référence sur les classiques hip-hop. C'était Daddy Yankee, Gasolina à l'instant, on suit le foot aussi en même temps. C'est l'OGC Nice qui mène 1-0 contre Rennes. C'est la première journée de Ligue 1, on est à la 73e minute, on vous tient au courant de l'évolution du score. Bien entendu, sur Skyrock, on est reparti maintenant avec du son 100% classique, Jay-Z, Rihanna, Run This Town, 113, Les Princes de la Ville, et Faf la Rage tout de suite avec Benji et Pete Bacardi. C'est pour savoir anticiper sur Skyrock. Paris-Marseille, connexion, Faf la Rage, Pete Bacardi, calme. Faut savoir anticiper, ne pas rester figé. Je n'attends pas que le destin nous prenne de vitesse. Compte sur personne pour avancer, pas se laisser diriger. C'est comme ça. On s'organise pour que les choses progressent. J'ai pas attendu qu'on me dise quand je tchatche avec Faf de mettre la gouache que les autres aiment si en face prennent des baffes. Fumer l'instru comme quand sur ton split tu tires une taffe. Honorer l'invitation du kiff kiff staff. J'ai pas attendu qu'on me dise fils, face, grâce. Rien à foutre des enculés qui croient pas en moi. Et le temps n'attend pas, on est pressé, t'as les foies. On sait que ce sont les premiers qui forcent, qui ramassent le tas. J'm'en ouf, ils me disent que j'suis vulgaire. Tu changeras pas, c'est ma nature, mon caractère. Qu'est-ce que tu peux faire? Arrogant, aigre, fier. T'aimes pas ça? Dans leur système, je gêne, j'ai bouffé leur misolière. J'ai pas attendu qu'on monte le mauvais du doigt. Des influences pour réfléchir, me dire dans la vie, avancer, c'est un choix. Responsable envers mes actes. Je pense ça, laisse tomber, on bouffe pas ça. Pas toi qu'on glisse que ça pue pour voir qu'ici c'est la merde. La vie un jeu d'échelle, protège ton roi pour ne pas perdre. Toujours surprendre l'ennemi comme les attaques du raid. Seul dans ce labyrinthe mais je n'ai besoin d'aucune aide. L'aide c'est la baisse, personne ne se lève. Y'a qu'une minorité de gens, le cœur sur la main, alors on crève. On sait quoi faire, Pete Bacardi, Neg marron, la grâce c'est la même. Mais faut savoir anticiper, ne pas rester figé. On n'attend pas que le destin nous prenne de vitesse. Compte sur personne pour avancer, pas se laisser dire. Comme ça. On s'organise pour que les choses progressent. Faut savoir anticiper, ne pas rester figé. On n'attend pas que le destin nous prenne de vitesse. Compte sur personne pour avancer, pas se laisser diriger. Comme ça. On s'organise pour que les choses progressent. Dommage. J'ai appris à rester seul au milieu de tous, parfois penser pour tous, et même à être seul contre tous. Je fuis, je suis, serai fils du vent. Je tisse ma toile, exauce mes vœux. Le vent souffle, faut que j'avance vers Dieu. Mon but, la force, ma détermination. Seul guidé par ma conscience, j'avance dans une direction qui mène à ce destin que j'aimerais être le mien, mais qui nécessite que je manifeste une rage, une colère, que j'agisse sans limite. J'ai pas attendu la sécheresse pour savoir que je peux mourir de soif, d'avoir le poison dans ma soupe. En conclure que mon tueur est près de moi et me veut ma mort. Que le monde soit en couille, plus besoin d'être pire. Mais lui, je m'en ressouviens. Je t'ai pas attendu pour être ce que je suis. Un mec fier qui est ce que tu n'es pas. Qui fait ce qu'il peut que toi tu ne fais pas. Seul contre tous, je n'attendrai pas l'apocalypse. Pour croquer la vie à pleine dents, enragé comme un kleps. J'en bats, mais je pourrais surmonter cette épreuve. Faire face à cette chaîne de vie qui a le pouvoir de briser mes relais. J'attends pas, je sais qu'elle m'attend en tournant. Je suis mal vu, mais pour l'instant je la baisse. Avant de me rendre faut savoir anticiper, ne pas rester figé. On n'attend pas que le destin nous prenne de vitesse. Compte sur personne pour avancer, pas se laisser diriger. Comme ça. On s'organise pour que les choses progressent. Faut savoir anticiper, ne pas rester figé. On n'attend pas que le destin nous prenne de vitesse. Compte sur personne pour avancer, pas se laisser diriger. Comme ça. On s'organise pour que les choses progressent. Progresse, fils, t'as vu ça? On y croit. crois parce qu'on marche comme ça. Y'a pas de garde de ce qu'on peut faire dans ce titre. C'est pas le clan des losers, ni de suiveurs. La vie c'est pas un truc de causeur, né pour le pire, la le meilleur. Faut que je la nique, toujours donner le meilleur de moi, pas rester statique. On prend des risques dans la musique pour l'amour du disque. C'est pour ça que j'y mets tout mon cœur à chaque fois que je kick. Jackie Brown au micro, Nec Marron et mon éthique. À mon haleine pourrie derrière ce mic, ne naît-il pas de ma semence cet excru que je veux poésie. Les pros ici sont prêts à ça, à la front, avec comme seul soutien la prophétie. On a peu de temps pour réfléchir, mais encore moins pour agir. On cesse de le dire, d'où se manifeste la force d'écrire des choses qui poussent à les jeunes à réagir vite, de façon claire et explicite. Hey, faut savoir anticiper, ne pas rester figé. On n'attend pas que le destin nous prenne de vitesse. Vente sur personne pour avancer, pas se laisser diriger. Comme ça, on s'organise pour que les choses progressent. Hey, faut savoir anticiper, ne pas rester figé. On n'attend pas que le destin nous prenne de vitesse. Vente sur personne pour avancer, pas se laisser diriger. Comme ça, on s'organise pour que les choses progressent. Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Feel it coming in the air, yeah. And the screams from everywhere, yeah. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who gon' run this town tonight. Said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Get your boutiques on. All black, everything. Black cars, all black, everything. And our girls are blackbirds, riding with they diligence. I can't more in depth if you boys really real enough. This is La Familia. I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip for 5 stacks. Yeah, I'm talking 5, 6, 0, shot zeros. Here the back to running circles realm. Now we squared up. Hold up. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. Uh-huh. So I keep doing my own thing. Walking tall against the rain. Victory's within the mile. Almost there, don't give a hell. Only thing that's on my mind is who gon' run this town tonight. In a dark Caesar, please follow the leader. So Eric B, we are microphone fiend. It's the return of the God, peace God. It ain't nobody fresher. I'm in Mason, Martin, Margiela on the table screaming. The other side, they jealous. We got a banquet full of bras. They got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spending no cake. They should throw their hand in, 'cause they ain't got no space. Yeah. My whole team got dough, so my banquet is looking like millionaires, bro. Yeah. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. So I keep doing my own thing. Walking tall against the rain. Victory's within the mile. Almost there, don't give up now. Only thing that's on my mind is who gon' run this town tonight. Hey, yeah. Hey. You could go from being Joe Blow to everybody on your no homo. I bought my whole family whips, no Volvos. Next time I'm in church, please no photos. Police escorts, everybody passports. This the life that everybody asked for. This a fast life, we are on a crash course. What you think I rap for, to push a rap for? But I know that if I stay stunting, all these girls only gon' want one thing. I could spend my whole life goodwill hunting. Only good gon' come is as good when I'm. She got an ass that'll swallow up a G-string. And up top, two beast things. And I'm beasting off the re-sling. And my just made it out the precinct. We give a damn about the drama that you do bring. I'm just trying to change the color on your mood ring. Reebok, baby, you need to try some new things. Have you ever had shoes without shoestrings? What's the

AAP Mokobé, 113 sur Skyrock, les princes de la ville. Premier sur le rap, premier sur les classiques, tous les dimanches entre 18h et 20h, l'émission s'appelle Skyrock Classics, avec les sons qui ont fait le succès et la puissance de Skyrock, votre radio préférée bien sûr. Il y a Busta Rhymes qui arrive, Break Your Neck, c'est ça. À écouter à Donfrance au dimanche soir. On se détend si vous bossez la semaine prochaine, si vous profitez des vacances, si vous avez cette chance. Le gros son de Skyrock Classics, il est pour tout le monde. Break Your Neck, Busta Rhymes et Usher, P. Diddy, I Need A Girl. À écouter avant 19h sur Skyrock. Sur Skyrock, c'est tout de suite Usher, Busta Rhymes dans Skyrock Classics. 18h-20h tous les dimanches. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Au bout des rêves, Booba, Trait d'Union, écoutez tout de suite sur Skyrock. Juste avant Busta Rhymes, P. Diddy, Usher, Skyrock Classics jusqu'à 20h. Le son 100% classique tous les dimanches soirs sur Skyrock. Appeler au secours n'est pas mon genre, ça va sans dire, j'ai jamais bossé. La chose c'est ma vue grandir, j'ai toujours osé poser mes tripes sur la musique. Plutôt crever que t'en faire l'usine, la luxure m'aura l'usure peut-être. J'suis jamais cuit même quand les poulets me cuisinent, moi j'veux devenir ce que j'aurais dû être. J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie à part être riche, avoir une biole à Miami Beach, aider sa mère et l'aimer avec un cœur éternel. Ne pas prendre perpète comme Bernet. Je vais déployer mes ailes, foncer contre quoi encore un BC. Cerveau blessé, bombe vers le ciel. Dites bonjour au banlieusard, fidèle au poste. Demande à la SACEM qui est le boss. Si mon parcours n'a rien d'héroïque, ma clique est sous contrat, la tienne sous héroïne. À quoi sert d'être célèbre sans le mériter? J'ai toujours la vérité au bout des lèvres. Et le passé me suit, le jour comme de nuit. Pourrais-je y arriver au bout de mes rêves? Et je débarque dans la place, Air Force 9, pas d'Adidas. Alerte au bling bling, bibi bibi biatch. B2O, chef de gang sur bateau d'esclaves. Laquelle de ces rappeurs veut tester un MC de paquet? Ici je suis en visite, Laurent Visu. J'arrive en visite, brisé, repart en visite. Ça capitule dans l'industrie, c'est la crise. Je m'arrête au feu, les MC lavent mon pare-brise. Ni deux, ni une, aucune apparition sans hémoglobine. Vers la fin de ton film, remballe les rembobines. Je défrais pas la chronique, je la fume. Si j'avais la thune à Beckham, sa femme serait ma bonne. Je mon fils à l'école, tu seras imbattable. Si tu échoues et que je pars avant toi, prends mes sous, jette ton cartable. Et je m'imagine en train de fêta. À 2,50 sur le droit chemin, en voiture fêta. C'est Skyrock Classics avec les originaux de Skyrock. Check it out. See, the only thing you need to do right here is just nod your fucking head. Yeah. Yeah. Break your fucking neck, bitches. Talk to me, you look like you can really give it to a nigga. But the way you're talking, the way you try to walk for me, the way you really try to put it on a guard. Doing it like I never did before for me, the way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell me where my niggas is at. Okay. Let me bless y'all niggas one time when I lock it down and I hit you with that. That bomb shit, y'all niggas know all day we be making it drop. Y'all niggas know every time we come through this motherfucker, we be always taking a rock. So let me blow this bitch. Y'all niggas know when we come, we be making it flop, the way we making it hot, I make a nigga wanna stop. Get money and cash that check for me. All my niggas just bust. lost your touch for me. Everybody from every hood, bang your head till you break your motherfucking neck for me. Just let me give you real street shit to grab it. Your shit with we grab your seat. We want this heat, keep bouncing. We bang niggas in the head and we do it to death. Reach for them back, wood in the fire, boy. You know we're making an ounce. I know you love the way we be giving you the music, making you bounce. So fuck it up just a little for my niggas. Every time we come through, niggas know that we did it for y'all. And the way we do it for the people, niggas know that we always give it to y'all. I said bounce. In the daytime or the night, when you keep on the low, we just bang this shit up in the truck while you break your nigga. Motherfuckers try to fake on my flow. See the way we come right through, when we come right through, we be always blowing the spot again and again to make a nigga really wanna stop. Better tell your crew, your peeps, so my niggas better put their troops on and gather up your soldier niggas. You know you better keep your boots on. What he really gonna try now? What you really wanna do? Just place your bet and put your money where your mouth is. All my niggas in the street, just break your neck and keep on bouncing. Just let me give you real street shit to grab it. Your shit with we drag your seat. We want this heat, keep bouncing up and down these streets. So nod your head and break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Bang your head until you start to break your neck. Be holding the fort, my nigga, watch, I'll be shutting it down. The way we put it on, coming through like a steamroller. Me and Dre, nigga, ain't no fucking around. My nigga, what? Yeah, what up? Me and my team got a link, cause you know we stay chopping it up. And when we get up in the club, all of my niggas at the bar, I be locking it up. And we get a little high, and we get a little drunk, and we get a little drunk. Let me give y'all niggas some shit that'll make you wanna bang this out your trunk. Come on! Get money, get cash, that check for me. All my niggas just bust your check for me. Everybody from every hood, bang your head till you break your motherfucking neck for me. Just let me give you real street shit to grab your shit with we drag your seat. We want this heat, keep bouncing up and down these streets. So nod your head and break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Bang your head until you start to break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck, nigga. Break your neck. Spend the night alone. I got a few you would like them, but chase that romance me. Don't tickle my fancy. Tiffany Nancy, that's not what my plans be. Need a girl that can stand me, raise me a family. Go from trips to the land, see the trip to the Grammys. Cause most of these girls be confusing me. I don't know if they really love me or they using me. Maybe it's the money or maybe you ain't used to me. Cause you was depressed and now you abusing me. That's why I need me a girl to be true to me. Know about the game and know how it do to me. Without a girl on my side, shit'd ruin me. Forget the world, girl, it's you and me. Now let's ride. I need a lifetime, but see, it's not a lot of women that got the right mind. I done had pretty chicks with all the right features and hood rat chicks that only rock sneakers, cell phones and beepers and know how to treat ya. You break a heart, she'll walk out and leave ya. I find a girl I'm a keeper, cause now I'm getting money and the game getting deeper. You want some real shit? I need somebody I can chill with. I need somebody I can build with. I need somebody I can hold tight. Wintertime in the full length, Snow White. Anytime we together feels so right. You the girl I've been looking for my whole life. God bless me, I'm glad I got the insight. Because of you, girl, now I understand life. I need a girl. I need a girl to ride, ride, ride. I need a girl to be for me. Didn't appreciate it, so I made her cry for me. Every night she had tears in her eyes for me. Caught a case, shorty took the whole ride for me. At first we were friends, then became lovers. You was more than my girl, we was like brothers. All night we would play fight undercovers. Now you gone, can't love you like I really wanted. But every time I think about your pretty smile and how we used to drive the whole city wild. Damn, I wish you would've had my child. Come on, a pretty little girl with ditty style. It's wild, all them days that I reminisce about the way I used to kiss them pretty lips. But as long as you happy, I'ma tell you this. I love you, girl, and you're the one that I will always miss. I love you. Classiques tous les dimanches 18h-20h avec les classiques de Skyrock. À l'instant, il y a plein de messages là qu'on reçoit dans tous les sens. Sarah Cédric, je le dis et le redis, c'est vraiment cool d'avoir mis en place Skyrock Classique, ça rappelle plein de souvenirs. Et oui, l'émission est faite pour ça. Il y a aussi Jonah Berry Dano, Skyrock Classique dans les oreilles pendant le match de foot. C'est le combo parfait pour bien terminer la semaine. Et oui, le match de foot est fini en plus, c'était Nice contre Rennes. Et c'est donc une victoire de l'OGC Nice, 1-0 contre Rennes, semble-t-il, puisque la télé s'est éteinte, pas de chance. On est reparti pour une nouvelle heure de Classics maintenant avec Guess Who's Back, c'est Rakim qu'on écoute tout de suite. Nicki Minaj, Starships, c'est juste après. Et NTM Naz pour le soir de français Affirmative Action sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. Yeah. It's the return of the wild style fashionist. Smashing hits, make it hard to adapt to this. Put pizzazz and jazz in this. The cash in this. Master this, blast this, and make a clap to this. DJs throwing cuts and obey the crowd. Just pump the volume up and play it loud. Hip hop's embedded. Before I said I wouldn't let it. But me and the microphone is still magnetic. Straight off the top, I knew I'd be forced to rock. Dead floors to stop, the spot scorching hot. Open, I open, rocking my law. Seminars, massage at the bar, smoking 10-hour cigars. While I'm my meaties with more vision than TVs, I find it easy catching diabetes for fly sweeties. Sit back and wait to hear slamming track. Rock a jam while popular demand, I'm back. I control the crowd, you know I hold it down. When it's hot, you know it's Jay when you hear the sound. From town to town, until it's world renowned. Cause I rock New York City all year round. It's all so you can swerve when it's heard in clubs. Thought patterns displayed on Persian rugs. Equations are drawn up in paisley form. Mic is stable, my flow is aviation. Deep as a nautilus, you stay dipped in raw style. From the shores of Long Island, the Panama Canal. Intellect, pictures show trends like a clothes designer. I'm in effect, quicker than medicines in China. Split the mic open, fill it with something potent to go in. And take a tote, metal planes start floating. High signs are spoken, altitudes cause choking. Product is hypnotic, it's soaking, it's still soaking. Showing better scenes than grams of amphetamine. Plans and schemes means I forever fiend. Long as the mic is loud and the volume's pumping, I'ma move crowds of 2,000. I control the crowd, you know I hold it down. When it drop, you know it's deep when you hear the sound. From town to town, until it's world renowned. And I rock New York City all year round. My vibes and lyrics find spirits like a seance. It's fat crayon, my writings display chaos. My plan is damaged, the diagram to where the damage. I take advantage, until the crowd go bananas. What a rush, I hear cuts and I lust to touch. Microphones be clutched by the illustrious. Word spread I inherited, many ways to say the unsaid. Born with 3 7 in my head. In time, no one can seem to blow your mind as far as this. To find, you'll need philosophers and anthropologists, astrologists, professors from your smartest colleges, with knowledge and scholarships. Will I be dropping it? Some of the things that I know will be in your next Bible. When I die, go bury me in my notebook in Cairo. With the great God from Egypt manifest, was right rhymes, line with the stars. I'll come back to bless the mic. I control the crowd, you know I hold. hold it down. When it drop, you know it's diggy. When you hear the sound, from town to town, until it's world renowned. And I rock New York City all year round. I control the crowd. Know I hold it down when it drop. You know it's jiggy when you hear the sound. From town to town until it's world renowned. And I rock New York City all year round. Rockin' my law, the microphone fiend is back. You know what I mean? The death to a part. It's on. Rockin' my law. The get back is being incredible. Rockin' my law. The get back is being incredible. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give I'm two on shit. The floor. Let's do this one more time. 18h-20h, Skyrock Classics. Yeah, affirmative action. Yeah, with my crew, NTM. This is Nas Escobar. Yeah, international remix. Check the lyrics. Chacun sa mafia. Chacun sa mifa. Confirm, baby, come, wicked nigga. Yo, sit back, relax, catch a contact. Sip your cognac and let's overwash this money through this laundromat. Sneak attack, a new cast in back, worth top dollar. In fact, touch minds and I'll react like a rock baller. Who could relate? We play for high stakes at gunpoint. Catch them and break. Undress them, time with tape. No escape. The Coleon, Fettuccine, Capone. Roam in your own zone. Or get kidnapped and clapped in your dome. We got it sewn. The firm, all the wars unknown. Lower your tone, face it. Homicide cases get thrown. Aristocrats, politic and deli with diplomats. See me, I'm an official Mac. Lex, coupe, triple black. Pas de Don Corleone dans mon quartier, mais si tu déconnes jusqu'au bout, faudra jouer les bonhommes. Y'a plus de place pour les rêves. Et c'est quand on s'élève, les rageurs te l'œil et même les anges te crèvent. Sache que l'union fait la force, mais que la misère la dévise. Et qu'en période de crise, chacun met sur son baiser. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Même l'État fonctionne comme ça. Que de la gouille m'a déguisé en secret d'État. The firm, baby. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui ça se passe comme ça. The firm, baby. Chacun sa mafia. With MTM, yo, the firm connect. The firm, baby. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui ça se passe comme ça. The firm, baby. Chacun sa mafia. With MTM, yo, the firm connect. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine Jerry sipping on crushed grapes. We lust papes and push cakes inside the casket at Just Wait. It's sickening. He just finished bitting up state and out of projects. It's talking that somebody gotta die shit. It's logic as long as it's nobody that's in my clique. My man Smoke knew how to expand coke and Mr. Coffee. Feds cost me 2 mil to get the system off me. Life's a bitch, but God forbid the bitch divorce me. I'll be flooded with ice or hellfire can't scorch me. Cuban cigars, meeting Foxy at the Mars moving. Cause your top poppy senior Escobar. Pour tous mes vips, je le balance avec mes tripes. J'applique nos affects. Cherche pas rien, même plus rien qui nous implique. Même la vie nous tient à bout de bras. On œuvre dans l'ombre, ayant conscience de notre force. La force du nombre, c'est comme ça qu'on prie là. Ces putains de sociétés parallèles. On a le vent dans le dos prêt à voler nos propres ailes. Chez moi, y'a pas le trompa. Non, y'a pas de place pour tout ça. Dans mon quartier, mon gars, j'ai vu que des gosses qui se bousillent en bas. The fuck, baby. Chacun sa mafia, chacun sa mifa. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. The firm, baby. Chacun sa mafia. With MTM, yo, the firm connect. The firm, baby. Chacun sa mafia. Chacun sa mifa. Aujourd'hui ça se passe comme ça. The firm, baby. Chacun sa mafia. With MTM, yo, the firm connect. The firm, baby. Volume 1. Sensei is there. Sensei is there. Sensei is there. Skyrock Classics. Here comes the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Yes, we multiply. Anyone pressed will hear the valet sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. The number. I'm the 90s Jack. Mr. Officer. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the fat lady say. Act like you know, G go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Cha-cha-ching-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still living like that. I'm the lyrical gangster. Big up all crew bow ya. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical danger. Big up a crew in the area. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Passez un bel été. Une bonne fin de week-end, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en profiter avec Skyrock Classics. On écoutait Inny Camo, Here Come Dot, Stepper à l'instant. Et attention, on vous prépare ça. Old Dirty Bastard, Got Your Money. Doc Gineco aussi, ça arrive avec Passy. Est-ce que ça le fait? Et attention, le son de Space Jam. Le film avec les Looney Tunes, c'est Michael Jordan. I Believe I Can Fly, c'est R. Kelly. Qui se prépare juste avant, je vous parle du Morning de Difool, qui sera de retour le lundi 29 août avec des chèques de 1500 euros à gratter. Si vous répondez Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone, il y a moyen d'augmenter vos chances tout l'été. Faut s'inscrire ici, écoutez. Un petit SMS et peut-être 1500 euros à la rentrée pour vous. Skyrock Classics, Classics, Classics, 18h-20h. All the pretty girls in the world, and the ugly girls too. But to me, you're pretty anyway, baby. You give me your number, I call you up. You act like your pussy on interrupt. I don't have no trouble with you fucking me, but I have a little problem with you not fucking me. Baby, you know I'ma take care of you, cause you said you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad, bitch. For good or worse, makes you switch. So I walk on over with my crystal. Bitches, niggas, put away your pistol. Dirty won't be having it in this house, cause bitch, I'll cripple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another nigga. Your coochie won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that money. Ooh. Hey, dirty, baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Hey, dirty, baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Yo, so I glanced at the girl, girl glanced at me. I whispered in the air, you wanna be with me? You wanna look pretty though, in my video. Oh, dirty on the hat, and I let you all know. Just dance if you caught up in the Holy Ghost trance. If you stop, I'ma put them killer ants in your pants. I'm the ODB, as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems, cause I put you down in the ground where you cannot be found. I'm just dirt dog trying to make somebody. So give me my streaks and give me my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you know, better look at me funny. No, you know my name down, give me my money. Hey, dirty, sing it. Baby, I got your money. Sing it, girls. I said, hey, just sing it right baby, now. Baby, I got your money. If 31 is hey, money, I think dirty, y'all should give him his money. Baby, I got your that's money. That's how I like don't you, girl. Sexy, sexy, sexy. up like this all night. Bitches, put your ass out, let me hold it tight. You looking at my wrist, ain't this so nice? The price, bitch, is diamond shining, disco line. You better help me solve my problem. I'ma get this money and rob them. Lucky dog when I won the lotto. Ran up on my car, I'm carrying Rollo. But hold on, you can call me dirty and then lift up your skirt. And you want some of this dirty? God made dirt and dirt bust your ass. Nah. Stop annoying me, yeah, play my music loud. And take the bats and old dirty to move the crowd. Just say he had his dick in his mouth. Eddie Murphy taught me that back of the house. But give him the money. Hey, dirty, baby, I got your money. Don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Hey, dirty. Classics. Passé au micro et mes mots sont flow. Le son au niveau, mon rap est réglo. Ma voix est lourde, mon style est pro. Je suis le double S, le numéro uno dans le cacho. Promo, télé, radio, stéro. Peu importe, je reviens et m'exporte. Je force tes portes, c'est la fête, l'ambiance est forte. Tu fixes, je mixe, sans oublier mes risques. Pour ce mon son glisse, comme du VIX 91. Premier disque, première part dans les bacs. Je dis le l'artistique, du crack sur ma musique. Après diagnostic, et beaucoup de critiques. Les journalistiques et les syndicats. Tic tac, tic tac, ma tactique c'est l'attaque. Ouais, ouais, j'ai pour habitude d'être posé comme Tyson. Je suis du circuit des jeux des gens, mais des mots amers, j'en ai des tonnes dans mon vestiaire. J'ai du qu'à la boxe, tu le fasses, t'as rappelé la boxe, c'est comme du toujours direct, droit, démarré pour déchirer. Ok, c'est bon, éclate-toi sur mon son. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, laisse-les parler, je suis toujours en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, je suis en place. Laisse-moi passer, je suis chiré, je suis foncé. Laisse-moi passer, c'est à moi de donner. Je suis le doc gynéco, je suis le mec en gueveau. Le mec à la deux mots dont elles sont toutes acrobates des mots. Elles kiffent mes jeux de mots et mon numéro. Je le donne à tout temps. Oh, tu connais la suite, non? N'aie pas peur en créole, moi cabao, ça constate. Bomba, wow, wow. Doc gynéco qui a metté ça en chouao. Doc gynéco, oui je l'néco. Oui tu l'néco, c'est le gosse boki. Lèche, la feuille à rouler. Je la lèche, car j'aime la fumée. Tu sais qui a tué, ouais. Tu sais que j'ai flambé, ouais. Que j'ai donné des tonnes de style. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Pour que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Pour que ça le fasse, j'suis en place, est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, j'suis en place, est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, j'suis en place. En place, toujours en place. Les patrons du rap montent en première classe. À l'aise sur nos chaises, oui on peut. Et sur ce son, on te beurre. En place, comme Végéta, le super guerrier de l'espace. J'ai mauvaise réputation et un cœur de glace. Écoute, c'est feeling, prends tous ces ding-ding. Ça te rend ding-ding, mais le sort bam-bam. De voilà, est-ce pour gynéco, c'est en son premier album. Pour toutes les métropoles, pour les tom-tom. Usap, Kamehameha, ok. Comme Sangoku sur Sega Fire. Dans le rap, augmente mon aura. L'âge décolle, ton esprit cambriole. T'en perds la boussole comme dans une chirée d'alcool. Et hey, Touré M à sol, tu connais mon symbole. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, j'suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, j'suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, j'suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, j'suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse. que ça le fait. Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, je suis en place. En place, quoi qu'il se passe, nous sommes toujours en place. En place, quoi qu'il se passe, nous sommes toujours en place. Pas si gynéco, toujours en place. Toujours en place. À quoi qu'il se passe, nous sommes toujours en place. Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock avec Maxime. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on if I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. parfois. C'était sur Skyrock. Skyrock Classics. Hey! Hey! Hey! Hey! Oh, je me présente, Molotov. Hey! Undercover. Hey! Le micro chauffe. Hey! Appelle-moi Mr. Over. Hey! Moi j'innove. Hey! Depuis Radio Nova. Hey! Sur un son qui groove. Hey! Qui va raser ta touffe. Hey! Pourquoi tu l'ouvres? Hey! Voir qu'est-ce que tu me prouves? Hey! Ta carrière je crève. Hey! Comme un Aquanikov. Hey! Vas-y tu me couvres, bras caché sur un convoi, mon flow dans ta cove, j'attends ça les achève, le son t'achève, danse comme un cheval, ici pas de philosophe, ça rêve à trop de œuvres, vas-y j'ouvre, ça rêve t'es pas l'ouvre, bouge la tête des youvres, les bourgeois deviennent ouvres, j'ai huit de pauvres, ça vient de les sous-bois, pas de son pour les deux bois, je parle pas la langue de bois, c'est Rouskova, c'est Négalo Tamba. Il est trop pauvre, moi Hamdoullah Sava. Comme un junkie, hey! CFT pas funky, hey! La merde dans ton baggy, hey! L'horreur moi c'est junkie, hey! Flow trop paraki, hey! J'mange tôt comme les haki, hey! J'glisse comme un ski, hey! Au top comme Cherokee, hey! Lève tôt comme les frosties, hey! L'aile mange pas de GS, hey! Toujours le fil au fish, hey! Au McDo, bitches, hey! J'contrôle mon BS, hey! Même en période de crise, hey! La lame j'ai KS, hey! Le terre-terre j'maîtrise, hey! Moi j'suis pas la BS, hey! Je pèse le champ PS, hey! J'te dis en tout franchise, hey! Ton flow il pue la PS, hey! J't'effonce comme une paire KS, hey! Tes keufs dans ta DS. T'as trouvé ton rap, faut que je te dis est-ce que t'es mon fils. Hey! Je me tape jamais la fée. Hey! Ma tête est mise à briller. Hey! Je m'en fais. Le rap français sur moi a mis une fée. Hey! Vas-y créer. Hey! Molotov 4, hey! G8, c'est le ZN. Hey! Travaille à Big Job. Hey! Arrache comme le charras, hey! J'm'en prends la raas, hey! Quand j'tique, tu naas, hey! J'sais pas, c'est comme aas, hey! La classe qui te gaas, hey! Ma voix t'es raas, hey! Grouille ça tracaas, hey! Tu laas, des aas, hey! Putain t'es naas, traas, hey! J'rêve d'un bon laas, hey! Au bas à ma as, hey! Pour l'instant j'ramas, hey! Des liés, j'en de la gaas, hey! Tu connais mon blaas, hey! À la baas, hey! J'sais pas pourquoi tu gaas, hey! On te gaas, hey! T'as peur de me faire faas, hey! Comme une gaas, hey! Si solidaire, mais mon chien, on galère de whisky. Et la as, je bats ta bouche pour sucer ma classe. Putain, as, vas-y, fais. Sois un beat qui t'écrase. J'te déclasse, c'est ma deuxième classe. J'désosse ton flow, aïe, t'es bon pour la casse. Attends, qui ça? C'est ça, Fio. T'es sûr, Cédric? C'est ça, Fio. Ah ouais, en effet. C'est Fio à l'instant, c'était Molotov 4 sur Skyrock. Et ouais, Cédric le Belge, avec toute l'équipe de la Radio Libre de retour demain, ce sera entre 21h et minuit. À demain, Cédric. Et ouais, Skyrock Classics, ça continue maintenant avec tiens, un message de Ben de Montréal, complètement fou les Classics. On vous écoute en direct de Montréal. Bah écoute. Salut les Canadiens qui nous écoutent sur l'application Skyrock et sur le net. Le son de Skyrock, c'est reparti maintenant avec Wiz Khalifa, Work Hard, Play Hard et au taquet, le son des psychiatres de la rime, c'est juste après. Work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard, work hard, play hard. Work, work, work, work, work, work, work, work. Diamonds all in my ring, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. 100,000 champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Buying gear, flying here. Fuck what you heard, it's my time of year. If I'm in the club, I get 100 stacks. I'm always rolling up so I can love for that. Them niggas stole my swag, but I don't want it back, my nigga. I I was on this, but now I'm on to that. You see it in my closet for us on the rack. Was out there in Hawaii, now I'm going back. My nigga, I got so much money, I should start a bank. So much paper right in front of me, it's hard to think. Buy so many bottles, it's gonna be hard to drink. But I'm still growing up, and my family here, and they rolling up. So, the bigger the bill, the harder you ball. Well, I'm throwing mine, cause my money long. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is the bigger the bill, the harder you ball. Well, I'm throwing mine, cause my money long. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is hard, play hard, work hard, play hard. Hop your pretty ass up in this fucking car. Bitch, I'm out this world, girl, you know I'm a star. Used to buy rounds, but now we buy the bar. Last year they had the ass, now they know who we are. Bow shit, walking and building our own shit. You tell by who I'm on the phone with. Nigga talking about grown shit. Nigga too busy jacking my swag. Need to fuck around, get your own shit. Get your own cars, get your own clothes. Get your own smoke, get your own bitch. You ain't rapping my game, get your own click. The bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, cause my money low. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is the bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, cause my money. You gotta do, that's your job. And niggas gon' hate, but that's no prob. So hey, fuck them, don't need nothing from them. Some niggas talking, but the shit they claim it don't mean nothing. It's straight from Cali, that's what's in my joint, that's what I'm puffing. OG, and been one since I was young enough to know that everybody was gonna know me. Most niggas don't see. The bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, cause my money low. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is the bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, cause my money low. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is work hard. Skyrock Classics, Classics, Kayla de ZSIKS. Trop souvent sur la trajectoire, je développe cause, pas d'enveloppe, me pousse à rester dans ce biz, ni même c'est Penelope Cruz, je rêve pas d'Hollywood, je traite pas trop de give up. You lose, à peine alors que ce putain de club, un jam à une ventouse. Que je pose sur cette vitre, vite, chope la poignée, vif, choc, je me le rappe au grenier. Ça a besoin de poussière, je pavale trop ma silhouette dans ces coins sombres, ma savane crache pas de l'air, là là. L'ex-esclave qui parle, mais on reste un devant là. Je maîtrise well ou quand c'est le cœur qui parle. Pour certains, ça peut virer dans le paradoxe, même voir pire dans l'intox. Mais je m'en moque quand je me fie à la. Voir que je sème arroser aux pleurs de la daronne. PLN, entouré de diamond, de faire clic comme la baronne. C'est pas le même système, ici ça coupe l'Afghan à la mêle. Pour sortir le 400 ml, j'pèle mec. J'ai dû attraper un coup de life au New York, c'est pas la mienne, tu leur. Moi je fracture la poutre de ta vie à coup de middle. Que là les gars, on arrive sans smear. La porte est sous granit, ni je suis la meule. Donc le monde est énorme. Ici c'est 50-50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. L'impression d'être attiré dans le fond par des filets tout, car dans le fond personne sera épargné puisqu'au fond faut que ces hommes soient des envies, car dans le fond j'ai pas tant la mon cueil dans son palais. Vince le volant, un enfoiré de plus qui vient faire péter les boulons, un perturbateur de plus contre la haute classe qui veulent diriger le monde mais sont pas au niveau de l'Atlas. C'est la vie que je mène, sans plainte, sans gêne, sans crainte certaine, car l'islam, mon oxygène. C'est notre guine, notre vie, notre joint, guine énorme. Comprends pourquoi tu ne fais pas le poids hors norme. Je suis là pour t'informer, c'est pour une rafle, donc va dire au président de se la fermer. Au fait, je suis venu armé, coup royal, Joe Six Liner. Voilà mon armée, ma firme, PLN. sous n'importe quelle forme. Ni vu ni connu, je t'embrouille sous n'importe quelle forme. Ignorant, dis-toi que mes frères ont trop de trucs en eux. Trop de stress, trop de gêne, mes frères ont trop de H-A-I-N-E. Pour que le monde est énorme, ici c'est 50-50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. C'est 50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. OVO ta. Je suis les frères que d'Allah. Donc voilà les gants sur le ring de la vie. J'évolue très à l'île. Claire que la première mesure je m'allie. Au côté afghan, le Mali. Voilà pourquoi je s'allie. Le drapeau des stètes, des Bill Gates. Les têtes africaines, tête peut-être. Faire des guet-apens sur nos petites têtes. Item, tête, mon sgeg peut-être. Que t'as les lèvres d'Angelina Jolie. Trop souvent sur le rallye du vice. Faut que j'y donne des coups de frein au lieu de poudre. Avoir le coup de plein de sang parce que la mer est salie. Depuis que la mer est salée, tout le monde s'entend pas malgré SFR et Distali. Trop de golden dolide, Mars nous. Daily, marche les clones d'Oli, marche c'est ta daily. Trop peu de gens achètent ces vérités. Pas grave, je rappe la qualité, pas la quantité. Au lit du monde, le tiers monde fait trop la femme. Du coup, on voit pas la mort de la même façon. C'est le retour de flamme. On punit pas un homme avec la tonne ou ta mort. Demande au pote à Oussama quand il décolle d'un aéroport. On est tous au bord du gouffre. Espoir assassiné, un emmagasiné depuis le temps qu'on souffre. J'suis pas tes potes, mon sang, j'dois le signer. J'rappe le nez rouge, seulement quand j'suis en ruée. Fuck le monde, c'est énorme. Ici c'est 50, 50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. OVO, target. Et c'est énorme. Ici c'est 50, 50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. OVO, target. Skyrock Classics. Yeah. One for the trouble, shovel. Two for the bass. Welcome to the great incredible paper chase. Keep your boots laced if you wanna keep pace. Oh no, niggas ain't scared to hustle. It's been 7 days, the same clothes. Ask them originals, cause they know. Won't step, they dog a very roll. Step away from the mic, they too cold. The funk might fracture your nose. Say my name, deserve how I stake my claim. I independently laid down and paid my game. My own two raised my flame, cause dick riding ain't my thing. I earned what they said I wouldn't, I got it the way they said I couldn't. But now I'm getting it and they whole grill is crooked. Mad cause I'm getting kicked out for my bookings. When y'all was asking permission, I just stepped up and took it. What? The kids better buy my rookie card now. Cause after this year the price ain't coming down. And if you got a joint bubbling, then get money now. Cause in a minute, it's gonna be some real trouble coming out. Just a warning, as usual some cats won't heed it. The hard-headed always gotta feel it to believe it. A shame the jealous gaze is too short to see it. But when they face it to seem it, they not in agreement. We can play nice and decent, but dirty like the 7-1 precinct. Call it a day, you'll make it a long evening. You keep on scheming and give me some more reason. I had the women in your mama's church screaming, Lord Jesus. Harder than y'all, cause I'm smarter than y'all. I know the deep down has got to be bothering y'all. Pay attention, watch block gon' get larger than y'all. Pour your pride on the rocks, make it swallow it all. The mathematic problem for y'all, it just get harder to solve. Every day that the saga evolved, the do or die, stay rumbling and bubbling hard. And when we move, we ain't got no discussion at all. East Coast on your neck and you ain't shrugging at all. Try to bully foot and end up stumbling off. From Daddy Brooklyn, y'all niggas are the sons of New York. Getting spanked when it's too much trouble to talk. Respect. Oh no, look at who they let in the back door. From Long Beach to Brooklyn, they know. We rock from the east to west coast. Queens salute you, baby. No. Step away from the mic, they too cold. My fraction, yo, very contagious rap should be trapped in cages through stages of whackness. Fouls raps ablazing and it amazes me how you claim thugs would go two ways without Skytel pages. I'm intellectual, pass more essays than motorcade police parades through East LA. More beef than delays, thus what I vent is just what you lust to vent is eat relay. Hallelujah, Pharaoh marcha do ya. Maintain the same frame of mind, screw ya. Get the picture, sit ya, seat ya, greet ya with scripture. I'm equipped to rip ya, reach ya. Pharaoh and Moses, verbal osmosis, coast to coast. We boast to be the most explosive here. Ferocious, the lyrical prognosis, the dose, just leaving you mentally unfocused there. MCs, just come on round. You're the next contestant, so I'll catch a beat down. Don't be hesitant, sound cracks the sediment. It's evident, we medicine for your whole town. Sky's the limit, game's infinite when I'm in it. All windows is in it, seeing me when I'm in it. Rap, we got it on lock, man, stop that. Put that mic back down, boy, drop that. Pharaoh slows, blow shows like afros. We hate y'all though, that's my Nate Dogg. Oh no,